L'impossible. Je puis mourir ce soir. Averse, vent, soleil, distribueront partout mon cœur, mes nerfs, mes moelles. Tout sera dit pour moi. Ni rêve, ni réveil. Je n'aurais pas été là-bas, dans les étoiles. En tous sens, je le sais, sur ces mondes lointains, pèlerins comme nous des pâles solitudes, dans la douceur des nuits, tendant vers nous les mains, des humanités sœurs, rêvent par multitude. Oui, des frères partout, je le sais, je le sais. Ils sont seuls comme nous. Palpitant de tristesse, la nuit, ils nous font signe. Ah, n'irons-nous jamais? On se consolerait dans la grande détresse. Les astres, c'est certain, un jour s'aborderont. Peut-être alors luira l'aurore universelle que nous chantent ces gueux qui vont l'idée au front. Ce sera contre Dieu la clameur fraternelle. Hélas, avant ces temps, averse, vent, soleil, auront au loin perdu mon cœur, mes nerfs, mes moelles. Tout se fera sans moi, ni rêve, ni réveil. Je n'aurais pas été dans les douces étoiles.